Appelle-moi, l'OVNI, Azix, cheveux blancs, les surveilles que je dis, il rigole, le pousse, sur les size fit de gripouze, je les baisse à tous, t'inquiète pas besoin d'être tous, au Pinel 12, caché dans la Canada Goose, j'ai fait l'album à la plaza, je vais faire danser ton oncle et ta pousse, cherche plus, c'est Jules, l'OVNI ouais d'arrêt patine, que ça chante, que ça rappe. Pour le buzz et pour les gadgets, j'fais le but, j'fais pas de salade. Gaucher pour moi, même salade. Pas d'équipe, pas de ballon. J'fais dormir le staff dans le salon. Écoute, là j'fais parler le talent. Et ça me dégoûte, ça me dégoûte. J'vois que les fils de pute. J'me mets sur mes quilatérales. Tu me critiques, tu veux me faire la zeule. J'vais prendre un coup de casque intégral. Au bar, ça s'en bat les couilles. Aux toilettes, ça met dans la zoo. J'ai mis des champagnes sous, j'vais finir en route sur Badou. J'ai pas le time, j'ai ni tout. T'as parlé de moi, on s'en fout. Chez moi, c'est le cœur avant tout. Parce que le bon, je vois tout. Putain, que j'croise la Mondeo. Cet été, j'bouge sur la Honda. T'es bizarre, j'sais pas ce que j't'ai fait, oh. J'croyais que j'étais la Honda. Mais rejette pas la faute sur tout le monde. C'est pas la mienne si tu montes pas. Y'a bien plus grand dans le monde. N'oublie pas, c'est que je quitte en ou pas. Chouba, chouba, faut arrêter. T'as blessé, tu seras blessé. T'as rabaissé, tu seras rabaissé. Visière, une. J'passe entre les voitures où j'arrête. Elle m'a mis un cas, j'ai croix. Pourtant elle m'a piqué toute la soirée. Le DDM, je mets droit. Sur une boire et carré. Studio, Tokyo. Avec sa coupe au carré. Ça veut tacler le commissaire. Radio B comme professeur. J'suis à l'aise dans le vol 7 air. Dans l'audio, on a pour compresseur. Tu manques de moi toute l'année. J'suis en finale comme Ronaldo. Si je veux avec les soutiens, dis-moi je tiens commando. Le pouce, arrête. Sert à rien de me faire le costo. J'ai vu déjà ce que je dirais pas. Appelle-moi commandant Cousteau. Le pouce, arrête. Sert à rien de me faire le costo. J'ai vu déjà ce que je dirais pas. Appelle-moi commandant Cousteau. J'vois le pouce, il fait un pétard. Choqué, il sait faire de la guitare. Ma marche arrière est cassée. On connaît plus de demi-tour. Plaque chauffante, ça coûte des demi. On va s'abandonner et demi. Ça mis sa vie au rami. Après ça se plaint de ramer. Appelle-moi la lettre ou le J. Azix, cheveux blancs. Et sur vêtement que je dis, je trouve les papiers à rage. Plus le time, je vois rouge. Je nique tout et je m'arrache. Je te fais le signe, le feu rouge. Le cousin des boutures, il fait rêche. Je reviens de mes sirènes. Y'a le secteur sous CR, ils m'ont trahi CRCR. Je vais les baiser les putos, les putains. Ils m'ont trahi CRCR. Je vais les baiser les putos, les putains. Ils m'ont trahi CRCR. Je vais les baiser les putos, les putains. Ils m'ont trahi CRCR. Je vais tous les choper. Les putos, les putains. Je vais tous les choper. Les putos, les putains. Je vais tous les choper. Les putos, les putains. Ne sous-estime pas ma faiblesse. Car bientôt il sera redoutable. Appelle-moi l'OVNI. Appelle-moi l'OVNI. Appelle-moi l'OVNI. Azit, cheveux blancs. Merci bien. Merci bien, je tiens à le dire déjà, Cash. Merci, merci, merci pour cet accueil là. C'est quelque chose ce soir. La vérité, d'être avec ma team et tout comme ça, c'est. Voilà, c'est pas souvent. Donc, un grand merci à vous. L'équipe, celle-là, c'est pour les filles. Est-ce qu'il y a des filles ce soir dans la salle? C'est pour les jolies filles parce qu'il n'y a que des jolies filles dans ma team ce soir.